Je pense à toi quand je respire. Je ne réalise toujours pas qu'entre nous c'est fini pour toi. Je devrais penser à autre chose qu'une morte aux lèvres qui sent qu'il ose, qui embrasse un nouvel amour qui se pose, qui se pose comme un papillon sur la rose. Non, je déconne. Pense à toi quand je respire. Mes poumons sont désespérés de se gonfler d'air périmé. Pourquoi tout est désormais morose alors que tu dois être toute chose devant ce nouvel amour qui se pose, qui se pose comme un papillon sur la rose. Non, je déconne. Pourquoi je serais encore jaloux alors que tu m'as quitté depuis des mois?